Oh, chérie, la vie est. Tout vanda qui n'a yon papier. Tout siri, tout ticanier. Oh, chérie, la vie est. Tout ticanina mawa. Oh, oh, oh. Oh, mais Lovis, c'est ma bien-aimée. Hein. Oh, mais alors, elle va se fâcher si elle entendait ça. Bon, alors, est-ce qu'on peut aller? On peut aller? Bon, on y va. On y va, on y va. Et à la Kili Balandé à Tembevo. Et à la Kili Balandé à Gongana Sabevo. Mon bali n'a gagné à Boyingaye. Allo Bingaye, n'a jamais eu combat. N'a t'a qu'il y a ton papi pour la bota. N'a simbicité carana gagné à Mamadou. Les pensionnaires sont à sali papi. Ah, on t'a l'union son pamba. N'a colo banini, awa au Boyingaye. Ezala kili balande ya tembevo. Ezala kili balande ya ngonga na zambevo. Mobali na kaya boyi ganye. Alobi ngai na zali ekomba. Na teki zato papi po na bota o. Na simbisi tikara na ngai na mamadu o. Le panso nyoso na sali papi. Aho tali nyoso pamba. Na koloba nini awa obo inganye. La baby city bongo na mamani na kobota ka baba Ezala kili balande ya tembevo Ezala kili balande ya ngonga na zambevo O bali na kaya boyi kaye Alo binga ina zali ekoma Natakiza to papi bona bota o Kasimbisi tikara nangai na mamadu o Le panso nyoso na sali papi Ah, otali nyoso pamba Nakolo banini, awa obo ingani Oh, chéri lo vie To vanda ki da yo papi To sili to tikani Oh, chéri lo vie Toti kanina mawa Naluki mwana kwa somba ngayo na kele liboye na somba tapupe Na bongi saka yelo kola mwana Base kinga evalobi na kwa sizemyo Na kubota papi na kubota wovo Oh, oh, oh chéri lo vie Tovanda kida yo papi Tosili toti kanie Nanuki mwana kwa somba ngayo na kele libo ina somba tapupe Na bongi saka yelo kola mwana Base kinga evalobi na kwa sizemyo Na kubota papi na kubota Oh, oh, oh, oh, chéri lo vie Tovanda kida yo papi Tosili totika nye Thank you. dans yon papier. To sili to tikanye. Oh chéri lovie. To tikanye dans ma wa. Okay, Mbonga.